de Sean Carter. À mes partenaires prêts à partir au coup de starter. Délinquante et l'apparence mystère Da Vinci Code. Ici les rêves ont de la classe, chez nous c'est nos dress code. Simple protocole, tenue non exigée. Bienvenue dans mon bloc où seul le respect est exigé. On t'expulse si tu t'excites trop vite. Chez nous pas d'excuses, on t'exécute si tu flippes trop vite. Habitué à la force de sortie des bureaucrates. Maintenant les CV on les coups de batte et les délits à la gratte. Ici on rêve de liberté, trop sous embargo. En fait on veut leur boucler la bouche à tous ces gros. Oh mon pote, certains rêvent et ignorent que mes frères et sœurs ont les diplômes qui débordent des poches. On vient des blocs, c'est toi qui cloche alors. Ici c'est no dress code, bienvenue au site des dents. La réussite, la seule chose qui nous hante. Tu veux qu'on glisse, nous on monte la pente. Ma jeunesse n'est pas que délinquante. No dress code, ici pas de barrière. La réussite, la seule chose qui nous hante. Tu veux qu'on glisse, nous on monte la pente. Ma jeunesse veut du respect. No dress code, ici pas de barrière. On tient les blocs, on tient le choc. On a des bases, nos valeurs et nos codes. On a le droit aussi de vivre et de réussir. Vas-y, mets-toi à l'aise. Viens sur la piste avec le gars qui au comptoir a le passé de Scofield. T'inquiète, je te jure, reste tranquille. Car les videurs sont trop cool, ils n'ont que le corps à Holyfield. Du mal à croire qu'ils veulent pas qu'on rentre chez eux. Chez nous c'est no dress code, black, beurre, blonze, bleu. L'ambiance, elle vient d'Africa. Viens faire un tour, c'est la bombe, hey, comme avec Rihanna. Mais stop à la musique. Jusqu'à l'aube, mes gars, finis sur la piste. Et les filles avec des cloques. Ici filles et garçons se mélangent des hanches. R&B, soca dance hall, ou rock it up. Tous, le verre en l'air à la réussite. Tous, le poing en l'air pour ceux qui ressuscitent. Tous, le poing en l'air pour tous ces gens. Pour tous ces gens qui dans la vie font des gros sous mais qui restent lucides. La réussite, la seule chose qui nous hante. Tu veux qu'on glisse, nous on monte la pente. Ma jeunesse n'est pas que délinquante. Non, dress code, ici pas de barrière. La réussite, la seule chose qui nous hante. Nobody.